moi c'est l'eau sur le mic et je suis pas là pour t'égayer. J'ai des principes, des valeurs, c'est une certaine mentalité. Ça fait longtemps que je suis boycotté au taf, on se bute la santé. On court après les billets, enfin on essaye de briller. Beaucoup trop de weed dans nos vaussières, mon frère c'est dur d'avancer. Quand tu vois la vie filer, c'est chaud de pas cogiter. S'en suit des putains d'insomnies, d'essayer de régler tes soucis. Mais faut les sous de mes six si tu veux vivre sur Paris ou en banlieue, c'est la même, tous les victimes. Système. Je vois qu'ils nous gagnent sans gêne, tu fais la pute pour sans gêne, y'a que des faces lourdes. Normal j'écris avec la haine et toujours la même rengaine dans les textes que je dégaine. Des EZ et la chanvée, l'équipe est là, ça a pas changé, on rap ça fait des années. Faut croire qu'on est parasasié, moi dans le vaisseau je suis reposé. Quand devant le mic je vais me poser, je rédige mon exposé, le chauffage pour me réchauffer. J'ai la dalle au bord du parasite. Arrête pédale.